vent se lit doux et bien froid, avec ma belle auprès de moi. Mais par je ne sais quel hasard, je ne pouvais fermer l'œil quand tout à coup, étrange et bizarre, je sentis dans mon cou une brise légère et bien plus que douce qui s'arrêtait sur ma bouche. Elle me volait des baisers, elle m'envolait des milliers. Elle ne voulait pas me réveiller, elle voulait tout garder, elle voulait tout garder. Elle qui croyait que je dormais, moi qui savais qu'elle m'embrassait, je décidai alors ce bon pied continuer. Et l'ambiance venant s'installer au milieu du plaisir partagé, le lit doucement se réchauffait et moi je m'impatientais. Le lit doucement se réchauffait et les câlins. Je n'ai plus froid, elle me volera.